on s'arrête et on regarde en arrière, histoire de voir comment on s'affirme. Pour faire sa vie, pas de mystère. Pour se valoir, il faut partir, quitter la maison, prendre la route. Au jour le jour, passer ses doutes, revenir à temps, trop puis plus rien. Voir grandir les enfants, loin les siens. L'exil pour grandir, pour faire carrière, te voilà maintenant solitaire. Est-ce que l'on choisit vraiment où l'on va se poser? Construit-on sa maison pour se rassurer? Tu es toujours aussi seul, même sédentaire. Derrière tes murs, tes biens, souvenirs et poussière. Parfois les soirs sont lourds et les pensées amères, et on s'aperçoit que l'on perd le fil. Tout se passait si bien dans notre petite sphère, mais le temps, lui, n'est pas immobile. Pendant que l'on s'attelle à tailler la route, jour après jour, joute après joute, revenir moi sous. L'exil pour grandir, pour faire carrière, te voilà maintenant solitaire. Est-ce que l'on choisit vraiment où l'on va se poser? Construit-on sa maison pour se rassurer? Tu es toujours aussi seul, même sédentaire. Souvenirs et poussière. Carrière, te voilà maintenant solitaire.